Bonsoir à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro, et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 11 novembre, dont voici les grandes articulations. Un policier a été grièvement blessé au cours d'une attaque perpétrée dans la nuit de ce jeudi à vendredi au village de Pé de Kalguema, c'est en province Bubanza. Une centaine de cas de violence ont été recensés durant le seul mois d'octobre dans la province Chibitoke, c'est dans la commune Lugombo, dans cette province. En tête vient à la commune de Lugombo avec 39 cas selon le rapport du Centre de développement familial et communautaire dans cette province. Les diplômes qui vont être décernés aux lauréats du centre de formation de Kigobe ne changeront pas de nom comme l'espéraient les élèves de cet établissement. L'explication vient de Pascal Nshimirimana, directeur général de l'enseignement des métiers. Et un candidat brigadier qui s'est fait passer pour un moutois a pris fuite après être dénoncé par d'autres batois à Rumonge. C'était ce jeudi lors de la passation du test pour le candidat désirant intégrer le corps burundais de sécurité. Vous l'entendrez dans ce journal, mis en onde par François Kimana, à la présentation Mireille Kanyangé. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, page média pour débuter ce journal. Les journalistes sont là pour contribuer à l'édification de la société, à raison pour laquelle la personne source d'une information devrait être disponible à l'appel du journaliste. Cela a été dit par le ministre burundais de la Communication après l'ouverture officielle de la radio Destinée FM ce jeudi. Anestor Banhumukunzi dit que les journalistes, eux aussi, devraient comprendre que quelqu'un peut être empêché, mais que la source d'information a le devoir moral de bien vouloir répondre. Suivez Nestor Banhumukunzi, ministre burundais de la Communication, au micro de Dorine Ndeirurir. Je regrette parce que quand un journaliste cherche de l'information auprès d'une source autorisée, cette source a pratiquement le devoir, ne fût-ce que moral, de bien vouloir répondre à ce journaliste qui est en train de le chercher. Et pour ceux-là qui ne répondent pas spontanément aux journalistes, je profite de l'occasion pour leur dire que c'est bon, il faudrait être disponible pour répondre à l'invitation des journalistes, à l'appel des journalistes, parce qu'ils sont là pour contribuer à l'édification de la société. Mais évidemment, il peut arriver que quelqu'un soit empêché. Côté journaliste, je ferai un petit clin d'œil pour leur dire qu'il faut comprendre quand quelqu'un est empêché. S'il vous donne le rendez-vous de demain ou du lendemain, il faut vraiment bien vouloir patienter parce que ça peut arriver que quelqu'un ne soit pas disponible. Nestor Banhumukunzi, c'est le ministre burundais de la Communication. Le journaliste et directeur AI de la radio Bonesha FM vient d'être relâché après quelques heures d'interrogatoire. Il vient de nous dire pourquoi il avait été arrêté. Suivez. Les autorités burundaises devraient comprendre que les journalistes sont au service du pays, au service des citoyens, et que l'information vraie, vérifiée, c'est la vraie information qui construit. Et la rétention de l'information, ça ne sert à rien. Il faut rester debout, lutter pour le droit à l'information et la liberté de la presse. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons avec ce journal. Un corps sans vie d'un enfant de 12 ans a été retrouvé le matin de ce vendredi dans une plantation d'eucalyptus de la colline Rusagara, c'est en commune Mugina de la province Chibitoke. Munezero Egide a été égorgé selon les sources sur place et était gardien de chèvres. Sa famille demande que des enquêtes se fassent pour connaître l'auteur de ce crime. Selon le conseil socio-administratif à Mugina, ces enquêtes ont déjà débuté. 133 cas de violence basés sur le genre ont été recensés au cours du mois d'octobre seulement dans les 6 communes que compte la province de Chibitoke. Selon le rapport du Centre de développement familial et CDFC dans cette province, sur ces cas, 12 sont victimes des violences sexuelles, dont un enfant de moins de 5 ans. La commune Rugombo vient en premier lieu avec 39 cas. Placide Niomungere a lu ce rapport. Ce rapport du Centre de développement familial classe ces violations basées sur le genre en 4 catégories, dont les violations sexuelles, physiques, socio-économiques et psychologiques. À travers ce rapport, ce centre a déjà recensé au mois d'octobre seulement 133 cas de violations basées sur le genre, dont 12 étant violations sexuelles. Dans les 6 communes que compte la province de Cibitoke, Rugombo vient en tête avec 39 cas, dont 3 ont été sexuellement violés. Sur la même liste, Mugina est classé deuxième avec 25 cas, dont 3 étant sexuellement violés. Et en tout dernier lieu, Bukinanyana, 12 cas de violations basées sur le genre, une femme est à violer. Dans ces 4 types de violations basées sur le genre, celles liées à la psychologie sont les premières avec 51 sur les 133 cas. Ce centre de développement familial explique à travers ce rapport qu'une forte augmentation de la population, sa position géographique étant frontalière avec les pays limitrophes dont le Rwanda et la RDC, pousse les hommes à entretenir deux ou plusieurs femmes. Les autres hommes quittent la montagne et prennent d'autres femmes dans cette plaine et la région d'Imbo qui tolère les pratiques de concubinage et d'union libre, ce qui accentue cette recrudescence de ces violations basées sur le genre dans cette province. Je vous le disais en titre, un policier a été grièvement blessé au cours d'une attaque perpétrée par des hommes armés au village de Pedokalguema. C'est dans la commune Gihanga en province Bubanza au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Les sources policières indiquent qu'il s'agissait d'un groupe de voleurs qui a été repoussé par les forces de l'ordre. Spes Caritas Kabanyan. Le policier qui a été atteint par les balles lors de l'intervention a été vite évacué à l'hôpital. Des tirs sporadiques avaient donc commencé à se faire entendre entre la 8e et la 7e transversale de la commune Gihanga sur la RN5, la route Bujumbura-Rugombo. C'était au cours de cette nuit de jeudi à vendredi. C'est par après que des tirs intermittents ont été entendus au village de Pé de Kagwema, blessant l'un des policiers en intervention. Les habitants de ce village ont passé cette nuit dans une peur panique, croyant qu'ils étaient la cible de l'attaque. Les sources policières indiquent qu'il s'agissait des bandits armés qui ont été repoussés par les policiers et les militaires œuvrant dans cette localité. Au PC1, Daniel Emmanuel Nizugimana, responsable de la police dans cette province de Bubanza, indique qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts sauf le policier qui a été blessé. Des témoins sur place dans le village de Pedro Kagwema précisent que les échanges de tirs entre les forces de l'ordre et les agresseurs ont duré quelques 20 minutes avant que ces derniers se replient en direction de la réserve naturelle de la Rukoko d'où ils étaient venus. Les véhicules qui étaient de passage sur la RN5 très proche de ce village de Pedro Kagwema ont été obligés de s'arrêter et d'attendre durant une trentaine de minutes. Spes Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Revenons à mairie de Bujumbura, deux maisons abritant 4 familles dans une même parcelle ont été débordées par l'eau à cause des pluies qui se sont abattues le soir de ce jeudi sur l'avenue dite Mosquée du quartier Gissio 4 en zone Kanyosha de la commune urbaine de Mura. Les maisons manifestent déjà des fissures. Cela est dû au manque de canalisation à l'avenue pouvant conduire à l'eau jusqu'à celle de la 7e avenue. Les habitants de cette localité demandent que cette canalisation soit creusée pour protéger les maisons des alentours. Alain Désiré Oukéinez. Arrivé à l'avenue dite Mosquée du quartier Gissio 4 de la zone Kanyosha en commune Mouha, le constat est que l'avenue est remplie d'eau à la manière d'une rivière. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit de ce jeudi, 3 parcelles ont été débordées par l'eau sur cette avenue. La parcelle la plus menacée abrite 4 familles où les maisons manifestent déjà des cassures puisque l'eau entrée n'a pas eu de passage. Environ 20 personnes ont passé une nuit blanche. L'un des propriétaires de la parcelle dit que ce débordement est dû au manque de canalisation à l'avenue pour pouvoir conduire l'eau vers celle de la 7e avenue. Il déplore de dégâts énormes. Ce qui a été endommagé est en fait tout ce qui se trouvait par terre, comme les matelas. Tout simplement, on a eu la chance car nous avons pu couper l'électricité à temps pour qu'il n'y ait plus de dégâts. En ce moment, il nous est difficile d'estimer tout ce qui a été endommagé puisque nous continuons d'arranger les choses. Comme il n'y a pas de caniveau, l'eau entre facilement dans les maisons. maison. Et c'est ça, en fait, la cause de tous ces dégâts. Ces populations demandent que la canalisation soit aménagée pour protéger les maisons. Nous demandons que cette route soit bien construite et qu'on y mette de grands caniveaux qui arrivent jusqu'à l'autre caniveau principal pour que l'eau circule normalement. Nous essayons de faire tout ce qui est à notre pouvoir, mais comme nous sommes perdus, c'est pour cela que nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide. Ces populations disent qu'elles continuent d'occuper ces parcelles, d'autant plus qu'elles n'ont pas de moyens pour pouvoir chercher d'autres maisons. La radio de l'avenir. Page éducation de ce journal et les diplômes qui vont être décernés aux lauréats du centre de formation professionnelle de Kigobe ne vont pas changer de nom. Cela est dit par Pascal Nshimirimana, directeur général de l'enseignement des métiers. Il indique que le changement d'appellation a été fait pour une harmonie avec la loi régissant les centres de formation. Ces explications sont fournies après que les élèves de cet établissement aient soulevé leurs inquiétudes à l'égard de ce changement. Ali Dandai Kids. À ce centre, les élèves ont arrêté les cours depuis ce mardi. Les raisons de cet arrêt sont entre autres les inquiétudes liées au changement de nom de cet établissement, comme cela est dit par un des élèves. Comme le décret de son Excellence et le Président de la République a déjà prononcé, c'était l'école technique professionnelle de Kigobe. Mais on a changé aujourd'hui que centre de formation professionnelle de Kigobe. Pascal Chimilimana, directeur général de l'enseignement des métiers, explique que le changement du nom a été fait pour se référer à la loi en vigueur. Le centre de formation professionnelle de Kigobe a changé de nom pour des raisons d'harmoniser les structures de formation professionnelle, la nomenclature des structures de formation professionnelle à travers tout le pays. Le nom a été indiqué dans le décret présidentiel pour les structures de formation professionnelle. C'est pour cela qu'on a changé le nom qui portait confusion entre l'école technique professionnelle, une structure qui n'existait pas dans les textes, vers le centre de formation professionnelle de Kigobe. Cette autorité ajoute que le changement de nom ne va pas influer sur les diplômes qui seront donnés à ses élèves. Les titres qui seront décernés aux lauréats de ce centre, ils n'ont pas changé. Nous nous basons uniquement sur le décret qui organise l'enseignement des métiers, la formation professionnelle, l'enseignement technique, qui dans ses articles définit clairement les titres à décerner, qui sont le diplôme d'aptitude professionnelle pour le premier parier et le diplôme professionnel spécialisé pour le deuxième parier. Jusqu'aujourd'hui, le cursus de formation n'a pas encore changé. Ce directeur général de l'enseignement des métiers invite tous les élèves à rejoindre le centre de formation pour la reprise des cours. Page santé de ce journal. Les statistiques du mois d'octobre sur le paludisme dans la province Gitega montrent que la situation n'est pas alarmante comparativement à l'année passée. Ceci est dit par le médecin provincial qui demande à la population de bien utiliser le moustiquaire étant donné que sa mauvaise utilisation a fait partie de grandes causes de cette maladie et entraîne sa propagation, nous dit Arthur Kavabouchi. Selon le docteur Roland Willy Niwiz, médecin provincial de Gitega, le mois d'octobre qui vient de s'achever a connu 30 000 cas de paludisme dans toute la province de Gitega. Il fait savoir que ces chiffres montrent que la situation n'est pas du tout alarmante comparativement à l'année passée et qu'actuellement, les médicaments sont disponibles. Ce médecin provincial de Gitega indique que parmi les maladies les plus dépistées dans les centres de santé et les différents hôpitaux de la province de Gitega, il y a le paludisme qui augmente pendant la saison pluvieuse, c'est-à-dire durant les mois de septembre à décembre. Il souligne que pendant cette période, les moustiques sont nombreux. Dr. Roland Willy Niwizi a alors demandé aux gens de bien utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides, de faire la propreté là où ils vivent et en dégageant les vrais d'eau qui contiennent beaucoup de moustiques et de se faire soigner à temps quand les premiers symptômes sont là, étant donné que s'ils traînent à aller se faire soigner, c'est l'hospitalisation qui suit avec de probables complications. Pour ce qui est des informations qui disent que les moustiquaires qui sont dans les différents ménages sont hors d'usage, du fait que l'insecticide est terminé, son médecin dit que ces moustiquaires ont été distribués en 2014 et qu'une autre campagne de distribution est prévue après 4 ans, c'est-à-dire l'année prochaine. Il demande à la population de bien les utiliser et surtout les mamans et les enfants car ils constituent les groupes vulnérables. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Dernier élément de ce journal, un candidat brigadier Arumongue a fui ce jeudi au terme de son premier examen et s'était fait passer pour un moutois. Et les autres batois l'ont dénoncé au cours d'un examen où 262 candidats ont participé. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Douimana Jackson a disparu après son examen de mathématiques passé dans la grande salle du lycée de Rumonge ce jeudi matin. Un examen comptant pour la sélection des brigadiers. Ce candidat brigadier qui s'était passé pour un moutois a été dénoncé par d'autres batois. Il n'est pas des siens et qu'il risque la prison s'il continue dans cette aventure. L'intéressé a pris le large, se faufilant à travers les autres candidats, selon Officin 1 Donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge. Après ce départ, quatre batois sont restés dans la course. Le cinquième n'ayant pas été présélectionné pour n'avoir pas réussi à la dixième année. Dans tous les cas, 5 batois sur 278 candidats brigadiers inscrits sont peu nombreux. Gervais Damba, représentant des batois de la commune Rumonge, explique que ses confrères sont peu sont ceux qui dépassent la sixième année et les invite à se consacrer aux études, quitte à avoir dans l'avenir des candidats officiers. Aucun candidat moutois ne figurait en effet sur les 49 candidats officiers qui étaient inscrits dans cette catégorie avant la présélection à Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Akimana qui assurait la mise en onde. Une très bonne soirée chez vous. Au revoir.